profite, c'est KRL. La télé, c'est pour tout le monde. La radio, c'est pour moi. Objectif, 47 000 $ pour les 47 ans de CKRL. C'est parce que tu aimes la radio. Le dévoilement du Radioton 2020, c'est le 17 mars, 17h30, à la Korigan et en direct à CKRL. Il faut oser rompre le silence. Et dans l'espoir d'être entendu. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. C'est maintenant l'Aérospatial. L'Aérospatial, c'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Gentiane La France au micro, en compagnie de Myriam Leland. Bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Donc, on co-anime ce soir une très, très belle émission. On va d'abord revenir sur... Myriam est allée voir le fameux film « Portrait d'une jeune fille en feu » la semaine dernière. Je me fais plaisir. Et elle va nous... Elle se fait plaisir et elle va nous faire un petit compte-rendu de ce film qui... en tout cas, elle va me donner le goût d'aller le voir parce que je ne l'ai pas vu encore. C'est sûr. Et oui, elle va nous présenter un petit compte-rendu de ce très beau film qui est encore à l'affiche, là, si je ne me trompe pas. Oui, au Clap et au Cinéma Quartier. Et ensuite, on va recevoir Fanny et non Lévi, qui présente Figure sans visage, de présence et d'absence à regard. Ah, bon, Fanny vient de se joindre à nous, donc on va commencer avec l'entrevue avec Fanny et non Lévi. Et on improvise, vive les joies du direct. Et ensuite, c'est Marie-Claude Drolet qui est notre, j'aimerais ça, ben, en fait, c'est pas une chroniqueuse, c'est une intervieweuse invitée. Oui, elle fait tellement des belles entrevues, on lui laisse le micro. Et elle nous présente des gens dont on ne soupçonnerait pas l'existence souvent. Et cette fois-ci, c'est Patricia Gagnon qui a une auberge à l'île d'Orléans et qui développe un programme de résidence pour les artistes. Exact. Donc, on va avoir l'occasion de découvrir Patricia Gagnon via Marie-Claude Drolet. Et en toute fin d'émission, c'est toi qui reçois une toute jeune artiste, oui, Myriam Leland. Oui, c'est Noémie Otis. Elle a remporté un prix, le prix Chambre Blanche, en fait, le printemps dernier. Puis ce prix-là inclut, en fait, offre à l'artiste récipiendaire de faire une résidence de création, de production à la Chambre Blanche. Et c'est présentement que ça se passe. Ça a commencé le 4 février prochain. Alors, Noémie va venir en studio avec nous pour discuter de ce qu'elle fait, ce qu'elle explore. Oui. On a hâte de l'entendre. Oui, on a le plaisir de parler avec beaucoup d'artistes qui font des résidences à la Chambre Blanche dernièrement. Ouais. C'est toujours un plaisir. Et CKRL est en campagne pré-Radioton en ce moment. Le Radioton va se tenir le 27, 28 et 29 mars. Mais en faisant un don pré-Radioton ou en renouvelant votre carte de membre, vous pouvez courir la chance de gagner un prix spécial, un prix qui est offert par Lopin de Terre, qui est un panier de légumes frais à chaque semaine pendant 16 semaines, de juin à octobre, un prix d'une valeur de 400 $. Donc, le don prix Radioton, ça doit être de 20 $ et plus pour pouvoir être éligible à ce concours. Et pour renouveler votre carte de membre, c'est 25 $. Et pour ceux qui renouvellent leur carte de membre, vous pouvez gagner courir la chance de gagner, pardon, le prix spécial membre de CKRL, qui est un prix offert par la boutique Le Pédalier, soit un certificat de 150 $. Et les tirages vont avoir lieu pendant le Radioton le 27 mars. C'est grâce à vous, membres de CKRL et donateurs, que nous, on peut faire de la radio et on trouve ça merveilleux. Tout à fait. Ben, on va sauter sur la sélection audio de Simon Roy, qui nous présente aujourd'hui Aura Jean ou Aura Jean, je sais pas c'est comment elle veut qu'on le prononce, elle est francophone, mais elle chante en anglais, c'est une fille de la Rive-Sud, et c'est son album Off the Ground qu'on va découvrir aujourd'hui, qui va être lancé le 19 mars prochain au Maelstrom. Donc au retour, c'est Fanny Hénon-Lévy qui se joint à nous. Casually standing with you, man, suffering. Faith must be blind, compulsively throwing words with the broken voice of the mind. Yes, it does look like we're fully grown. Fully grown but not yet ready. It's the deprivation of the holy crown. So we lie helpless on the frozen, frozen ground. Thank you. Alors, c'était la pièce Colors de l'album Off the Ground de Ouragan. Et nous avons avec nous en studio Fanny Hénon-Lévy. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Tia. Fanny H. Lévy, tu présentes actuellement le projet Figures sans visage de présence et d'absence dans la galerie de regard, dans le cadre d'un prix que tu as reçu pour la maîtrise. Et la dernière fois qu'on t'a reçu, en fait, c'est Marie-Claude Drolet, notre intervieweuse invitée, qui nous avait proposé de te rencontrer. Et tu présentais le projet Figure sans visage tout court. Tout court, qui était à Pêche Sherpa. Là, pour ce projet, pour cette première étape du projet, je finissais ma maîtrise. Mm-hmm. C'était une expo de fin de maîtrise qui était à mi-chemin entre l'Université Laval et le milieu communautaire. Oui. Milieu de la. Bon. Donc, je cherchais à créer des liens entre ces deux milieux-là, aller-retour qui ont pris place tout au long de ma pratique, tout au long des deux ans à la maîtrise en art visuel. Alors symboliquement, il y avait j'avais besoin de faire ce projet-là dans le milieu communautaire et également dans le milieu plus institutionnel. Oui. Pour ce qui est du projet à regard, j'ai eu la chance de gagner ce prix-là et je me suis dit j'ai envie d'en profiter pleinement. J'aimerais ça, c'était d'ailleurs le projet que j'avais proposé au départ, c'est vraiment occuper la galerie, l'utiliser comme une résidence qui s'est produite. Tout le mois de janvier, j'ai fait une forme de résidence imposée pour les gens de regard. qui fut d'ailleurs très agréable, dit la fille qui change de chapeau. Oui, c'est ça, différents chapeaux, mais ça a été d'expérimenter, c'est ça, des allers-retours entre Québec et Lévis, expérimenter le lieu aussi en tant que tel, quelle manière un lieu t'habite, et l'esprit de quelle manière des l'esprit des lieux, puis de quelle manière toi, tu te fais habiter par le lieu aussi. Là, c'est vraiment l'esprit des lieux, c'est le cas de le dire. Et puis là, je fais du pouce avec ce que tu disais. En fait, il y avait pour ton projet Figure sans visage tout court, il y avait un élément qui était présenté, qui était projeté à l'École d'art à l'Université Laval, et il y avait le principal de l'exposition qui se retrouvait dans la galerie de Pêche Sherpa. Et tu as parlé d'aller-retour entre le milieu académique et le milieu plus lié à l'insertion, la santé mentale, quelque chose qui est très, très ancré dans ta pratique aussi. Mm-hmm. Est-ce que ce serait de ces allers-retours-là aussi que tu t'inspires dans tes allers-retours que tu as faits à l'intérieur de la galerie à regard? Si on part, je vais répondre à ta question, mais je vais faire un petit détour. Oui, on va faire ça. Si on part juste de la pratique, la pratique du dessin en soi, c'est déjà un marqueur de passage multiple. Et de ça, effectivement, il y a une pratique très engagée, à la fois la pratique d'atelier, mais aussi la pratique dans le milieu communautaire, dans le milieu de la santé mentale et dans d'autres milieux, dans l'espace public. Et de ça, j'avais envie effectivement, à regard, de me concentrer sur une pratique un peu plus personnelle, d'expérimenter, de partir de cette question-là, de l'aller-retour, du va-et-vient, et de le pousser beaucoup plus loin. Et d'où est venue cette idée de le parcourir pour vrai, la galerie en roller, et de frapper le mur, mur à mur, de vraiment faire un aller-retour à la fois entre les deux rives, mais aussi d'un mur à l'autre, et tracer dans l'espace et voir ce qui se produisait de ces expérimentations-là. Donc, on trouve des traces de ces performances-là dans la galerie qui sont présentées au sein de l'installation. Et de ces traces, tu les as transformées pour les amener ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler de cette arrivée de... Mais en fait, tu les as transformées pour les amener ailleurs. Tu as découpé le carton sur lequel tu as tracé les coups de patin à roues alignées pour en faire des silhouettes de dormeurs. Le dormeur qui est comme un élément nouveau dans tes recherches, dans tes expérimentations. Est-ce que tu peux nous parler de l'arrivée de cette figure du dormeur-là dans sa pratique, comment, le pourquoi? C'est intéressant que tu la poses comme ça, la question, parce qu'effectivement, au départ, toute la performance, l'aspect performatif de la pratique, c'était ça qui était au départ du projet. Mm-hmm. Et les dormeurs me sont venus de ce fleuve, de cette dormance, de ce temps de retrait aussi qui était la résidence elle-même, prendre le temps d'une présence dans un lieu, tout ce qu'on a jamais le temps de faire finalement là. Mm-hmm. Et de quelle manière ces dormeurs-là me sont apparus aussi en regardant les glaces, en sentant tout ce temps ralenti en prenant le traversier et en me préoccupant aussi de ce qui m'arrive, c'est-à-dire une accélération incontrôlée de ma vie. Là, oui. Je vais parler de moi, mais je pourrais parler peut-être même plus largement. Oui, de plusieurs vies. On peut parler aux auditeurs, aux auditrices, puis j'en suis certaine. Ouais. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui trouvent que leur vie s'accélère un peu trop. Oui. Ouais. C'est ça. Puis de ce temps de retrait qui est absolument nécessaire à la fois pour être en connexion avec soi-même et pour être en connexion avec les autres. Et là, on fait le lien avec aussi la pratique qui s'en va dans la communauté, puis qui s'en va dans la relation à l'autre, dans le lien à l'autre. Alors, créer ce lien-là, à la fois physiquement, mais aussi en l'aménageant dans la galerie. Alors, ça explique pas pourquoi les dormeurs, mais ça donne quelques clés. Mm-hmm. Je suis en recherche autour de cette question-là. Ça m'anime, ce sujet-là. Donc, il y a quelque chose du registre de l'hibernation, quasiment, dans cet intérêt-là, non? Non, c'est vraiment la question du retrait. Ouais. Quelque chose qui est, être capable de se mettre en retrait, d'être absent tout en étant présent, de pouvoir s'extraire du monde pour pouvoir être libre de penser, pouvoir être libre de créer, pouvoir être libre de conserver son intégrité aussi. Il y a quelque chose de ça, là. C'est en ça que je dis que ma pratique est quand même assez engagée. C'est drôle parce que pour moi, le lien entre le dormeur et ce concept-là de retrait est tellement évident. C'est ce que tu décris, ça me fait penser à une sieste, en fait. Exact. Quand on a une grosse journée, que tout va trop vite, qu'on finit par se donner le droit de faire une petite sieste, une petite méditation, de se donner le droit de se recharger pour être présent par la suite. Ça me fait vraiment penser à ça. Je vois le lien directement. Oui, puis ce temps de présence-là, à quel point il est important pour être capable d'être ensemble. Oui. Puis moi, je sens que c'est menacé, ça. Oui. Tu sais, depuis quelques années, je sens cette menace-là. Oh, oui. Il y a quelque chose d'une résistance, ne serait-ce que dans le dessin, qui est vraiment une pratique... très simple, mais il y a quelque chose là-dedans d'un retrait aussi, déjà dans la pratique. Oui, c'est très intéressant, Fanny Hénon-Lévy. On continue cette entrevue-là tout de suite après une courte pause audio. C'est toujours Aura Jean, prononcez-le comme vous voulez, avec la piste When April Comes qu'on écoute à l'instant. Puis au retour, on continue de s'entretenir avec Fanny Hénon-Lévy. I could be brave, could be insensitive, as cold as when the last bird is gone. But with you, I'm the last snow melting in the morning. From now on, am I a slave? Am I a dog to live in a world that is a mess without you here? But I swear I'ma be the last bird singing to angel fears, and I'm losing my Could be blind, I could be cold-hearted and keep running away from this love affair, but something in your arms just seems to tell me I belong there, yeah, yeah. Maybe I'm crazy. Maybe I'll carry on in the cold and dark evening where we belong. But when I'm next to you, and I am helplessly hoping for a single spark to survive. Yeah, I can't help myself. I crave your presence in my nights, but when April comes, won't you let my smile melt into your smile? Alors, cette chanteuse de la rive sud, Origin, ou Oragin, on ne sait pas encore comment elle s'appelle, se revendique d'influence de Joni Mitchell et de Martha Wainwright. Et je pense que c'est assez manifeste sur cette très, très belle pièce qui nous amène vers un avril un peu tristounet, là, qui a hâte que l'été moins approche, glacé, j'imagine. On l'espère. Oui, mais oui, oui, oui, on espère moins glacé, mais déjà avec le changement d'heure, lancer l'œil est un peu meilleur. Et donc, on retourne avec notre belle conversation avec Fanny et Non Lévy à propos de cette exposition Figure sans visage de présence et d'absence qui est présentée à Regard actuellement, qui est jusqu'au 21 mars, on va le répéter, parce qu'elle est prolongée. Et cette exposition, on en parlait hors d'onde, Fanny et Non Lévy, on parlait de ces mouvements du corps de l'artiste pendant la résidence, mais tu as également réfléchi l'installation par rapport aux déplacements et aux mouvements des visiteurs qui viennent faire l'expérience de l'exposition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as réfléchi à propos de ça? Oui, il y a comme elle est presque constituée en étapes, si tu veux, quand tu entres au départ. Je voulais qu'on ait accès ou pas, hein, on n'est pas obligé d'y rester, mais au processus, vraiment donner des pistes de processus qu'on sente déjà par le son et par le visuel quand c'est possible de le voir, oui. C'est-à-dire à la tombée de la nuit, qu'on plonge déjà d'entrée de jeu dans le processus, et progressivement en entrant, on s'approche des dormeurs, mais on s'approche des dormeurs par la circulation dans la galerie. Quoi dire d'autre ? Il y a des moments de on a parlé de retrait tantôt. Il y a un banc qui est aménagé qui a été posé là pour prendre le temps. Oui, et les œuvres sont à la hauteur des yeux. C'est ça, ouais. Exactement. C'est j'avais envie d'une expo très calme, très douce, très poétique, presque planante. Tu vois, quelque chose et à la fois, il y a eu énormément d'énergie pour la réaliser dans ces allers-retours en roller, oui. mais à la fois le résultat. Je voulais quelque chose d'assez blanc, épuré, en suspension. Oui. Oui, et ça le fait. Et j'ai passé du coq à l'âne parce que j'ai demandé qu'est-ce que tu fais vendredi, Fanny et non Lévi. C'est vraiment du coq à l'âne. Écoute, Fanny et non Lévi est pas mal occupée en ce moment. On est en tournage. Je suis en train de réaliser de co-réaliser un film avec l'artiste anthropologue Francine Saillant. Et on a au Musée national des Beaux-Arts une journée complète dédiée à l'art et la santé mentale, l'art comme alternative dans le milieu de la santé mentale. C'est génial. Ça va être une journée très remplie avec l'organisme, les artistes de Vincent et moi, et puis toutes sortes, une programmation que vous pouvez retrouver sur le site du musée. Je pense qu'il y a la programmation complète. Alors voilà, et donc ça dit de 10h30 à 17h, et j'imagine que c'est offert avec l'entrée au musée. Exact, c'est ouvert, oui, à tous. C'est ouvert à tous. En PM, il y a une conférence et table ronde avec des acteurs majeurs du milieu des arts et aussi du milieu de la santé mentale. Alors voilà, c'est accessible à tous. Mais merci beaucoup, Fanny et non Lévi. Merci, et nous, on passe, merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Et on passe à la pause publicitaire. CKRL 89.1. Les 27, 28 et 29 mars, c'est notre radiothon annuel dont l'objectif est de 47 000 $. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine exceptionnelle. Venez rencontrer vos animatrices et animateurs favoris et profitez-en pour renouveler votre carte de membre, miser sur plus d'une centaine de lots culturels ou bien faire un don. Cette fête de la radio vous sera présentée grâce au soutien financier de nos partenaires majeurs suivants. La brasserie artisanale La Corrigane, Audiolite, le Bal du Lézard et l'hôtel Château-Laurier. Votre appui demeure essentiel. Merci d'encourager la radio communautaire d'ici. Oser, suivre ma passion, créer, prendre des risques, explorer, me métamorphoser, incarner, performer devant une salle remplie, la lumière directement sur moi pendant que je récite un monologue passionné. 3 ans de formation en art dramatique, encadré avec rigueur et doigté dans un espace de création riche et exaltant. Le Conservatoire d'art dramatique de Québec, admission jusqu'au 1er avril. Viens faire ton conservatoire. Marc Beaupré revisitait l'Iliade d'Homère au théâtre Labordé pour 4 soirs seulement. Je me revêtis de bronze éblouissant. Je l'ai vers toi, grand pas terrible, bondissant. Ma lance à longue longue en l'air. Un rictus féroce sur le visage. L'Iliade d'Homère au théâtre Labordé du 25 au 28 mars 2020. Le jeudi 26 mars, le groupe rock progressif de Québec, Inner Odyssey, lance leur 3e album, The Void. When you make it to endgame. Les amateurs de rock progressif seront attendus au Dauteuil avec le groupe Inner Odyssey le 26 mars dès 20h au 228 rue Saint-Joseph-Est. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. L'album The Void est disponible en ligne sur Bandcamp et Spotify dès maintenant. Allô, ici mon oncle Serge. Pour vous dire que ce samedi 14 mars, je vais être en show à la microbrasserie L'Emporium. Ça, c'est dans Charlebourg. L'Emporium. Ça va être un show acoustique. L'Emporium. On va vous jouer bien des tunes de mon dernier disque Réchauffé 2. L'Emporium. Puis bien d'autres de mes tunes pas catholiques. Ça va être le fun à L'Emporium. Ce samedi soir, 14 mars à 9h30, mon oncle Serge à la microbrasserie L'Emporium de Charlebourg. Billets en vente sur lepointdevente.com. Rebienvenue à l'Aérospatial, magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland au micro. Et je vous parle pas longtemps, en fait, parce qu'on a notre chroniqueuse en grosse parenthèse. Oui, c'est ça. C'est Marie-Claude Drolet, en fait. C'est notre intervieweuse invitée, parce qu'elle fait toujours des très belles entrevues. Ses chroniques sont toujours des entrevues, en fait. Oui, les chroniques sont toujours des entrevues. Oui. Et elle le fait bien. Eh bien, merci. Donc, ce soir, Marie-Claude, tu nous présentes Patricia Gagnon. Bonsoir, voyons. Patricia. Allô. Pour nous parler de l'auberge Triangle d'été. J'en dis pas plus, je te laisse t'entretenir avec Patricia. Oui, ben, bienvenue, premièrement, merci, à la Réunion spatiale. Donc, depuis l'automne 2019, il y a un nouveau projet d'hébergement qui prend place sur le chemin royal à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. Donc, c'est l'Auberge Triangle d'été. Mm-hmm. C'est ton projet, Patricia. Oui. J'aimerais qu'on parle de la naissance de ce projet-là et d'un volet en particulier qui est le volet résidence d'artiste. Oui. Donc, dans ton parcours, tu as exploré un peu les arts visuels, puis principalement la danse contemporaine. Oui, j'ai fait un bac à Concordia. J'ai terminé en 2016, puis j'ai fait une mineure en arts visuels en céramique aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée, en fait, de quitter Montréal et de venir t'installer sur l'île d'Orléans pour monter ce projet d'auberge? J'avais vraiment un besoin de nature, vraiment grand, après avoir fini Concordia dans le centre-ville de Montréal. Puis ma dernière session, je l'ai fait à Jérusalem, en Israël. Puis j'ai eu l'occasion aussi de me perdre dans le désert pendant plusieurs mois. Donc, mon retour a été vraiment marqué par ça, le besoin de créer, le besoin d'avoir de l'espace pour créer, puis le besoin de reconnecter avec la nature, ma nature. Et là, ben, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour avoir du temps pour ma pratique, en dehors du rythme du quotidien de la ville, des sidelines, de tout ça. Fait que ça me convenait pas trop, puis on dirait que c'est ça, dans le fond, l'énergie de création, c'est comme dirigée dans ce projet-là, puis finalement, c'est devenu une auberge avec un studio de yoga, avec un programme de résidence d'artiste à l'hiver. Oui, ouais. Ce programme de résidence-là, donc il est tout nouveau, quelle est la formule exacte? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, je sais que dans votre auberge, c'est une vieille maison, c'est une maison ancestrale. Mm-hmm. Il y a plusieurs chambres, il y a un grand studio super lumineux aussi. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de salle polyvalente où il y a peut-être aussi les cours de yoga. Donc, c'est une salle qui est appropriée peut-être pour les résidences. Comment ça fonctionne? Oui, ben c'est super malléable. En fait, l'auberge est magnifique pour ça. La maison est comme... Il y a plein de petits espaces. T'sais. Il y a un espace dortoir au troisième étage avec un petit bureau privé, avec de la magnifique lumière, une table de travail. Au deuxième étage, là, c'est le studio plus mouvement. Dans les chambres, il y a des espaces pour des bureaux aussi. Fait que ça peut vraiment prendre plusieurs formes, même si on est un artiste individuel ou si on travaille en collectif aussi. On peut vraiment accommoder plusieurs projets. On peut avoir plusieurs artistes en résidence en même temps aussi. Avec des projets séparés. là, oui, autonome. Fait que c'est vraiment juste de nous contacter, puis de nous parler des idées, puis de nous parler des besoins, parce qu'on offre quelque chose de vraiment... Un peu sur mesure. Oui, oui, exactement. Parce que en fait, c'est que... à l'île d'Orléans, c'est l'hibernation. L'hiver, là, c'est vraiment le silence. C'est parfait pour le ressourcement. C'est parfait pour créer, pour s'offrir un moment d'introspection. Mm-hmm. Puis après ça, ben comme la formule que ça va prendre dans la maison, on peut en discuter. On fait des portes ouvertes aussi. On veut vraiment comme encourager la rencontre entre les gens des milieux ruraux puis les artistes urbains. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la proposition. Puis je me rends compte avec les artistes qui sont venus qui ont une belle générosité aussi de vouloir partager. Oui, mais c'est toujours un beau moment là, quand oui. on peut aussi montrer le résultat de nos recherches en résidence. Oui, absolument. Puis j'ai réalisé aussi que les gens avaient envie de ça, puis ils avaient envie de rencontrer ces artistes-là. Donc, juste nous contacter, puis la magie peut se passer. Donc, c'est vraiment ouvert à plein de types d'artistes, oui. donc de projets, en oui. fait, tant dans l'écriture, des projets d'écriture qui peuvent être faits plus dans les chambres, avec les bureaux sur place, tout ça. Donc, il y a aussi des projets. Est-ce qu'il y a même possibilité de louer la maison au complet, je oui. crois? Oui, il y a possibilité de louer la maison au complet. Peut-être si on a envie de faire un événement plus spécial, d'accueillir beaucoup de monde, on peut accueillir jusqu'à 15 personnes pour dormir. Ça pourrait créer une autre forme de projet là, de louer l'espace en entier. Nous on vit dans la maison aussi, oui. ça c'est à considérer. Mais non, c'est vraiment agréable ce qui mais se passe. Mais par exemple pour des retraites d'écriture, des ateliers de groupe, des choses comme ça, c'est une belle possibilité. Oui, absolument, tu sais on loue aussi pour des retraites de yoga oui. ou des célébrations familiales ou des choses comme ça. Donc oui, s'il y avait des artistes qui avaient un projet pour louer la maison, ce serait... Oui, on en discuterait, c'est sûr. Je réfléchissais en m'en venant et puis je me disais, même un groupe de musique qui voudrait louer la maison pour faire un enregistrement, je sais pas jusqu'où ça ouais. s'en va, votre ouverture. Oui, ça pourrait, puis il y a vraiment une belle paix, tu sais, un beau silence dans la maison mm-hmm. qui est là, même si c'est super accessible, tu sais, c'est sur le bord du chemin royal, mais la maison est vraiment... est vraiment plaisante pour ça, là, pour l'espace qu'elle offre. Il y a déjà eu des artistes en résidence. Oui, donc, oui. Même si c'est un tout nouveau projet, il y a quand même eu le passage d'artistes. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, c'était tellement le fun. Il y a eu Véronique Bioust avec de la broderie contemporaine. Elle a fait un atelier aussi. Elle a offert un atelier. C'était vraiment beau. De broderie. Ouais. Puis ce que je trouve magnifique aussi, c'est qu'on a vraiment comme à Lille, on a les fermières. Tu sais, il y a comme une espèce d'histoire qui est là, de technique, de tradition. Mm-hmm. Puis je trouve ça vraiment beau d'inviter des gens qui ramènent ça, mais dans une perspective contemporaine. Oui. Donc, puis ça mélange les réseaux aussi. Ouais. Ouais. Fait qu'il y avait ça. Puis il y avait Sophie Pelletier-Voyer des ateliers Retaille. Qui a fait un atelier de confection de papier à la main. Puis sa pratique est magnifique aussi. Nous, on est une auberge éco-responsable, fait que c'est vraiment important aussi pour nous que les artistes, que certains artistes du moins aient cette mission. Mm-hmm. Puis avec elle, c'était vraiment ça qui se passait. Il y avait vraiment une belle rencontre à ce niveau-là. Elle récupère des tissus pour en faire du papier. Donc, c'est très inspirant. Nous, ça nous a vraiment inspirés. Mm. Puis, il y a eu des portes ouvertes pour, ouais, pour ces deux résidentes-là. Oui, oui, oui. Il y a eu un beau... une belle réponse. Absolument, absolument. Puis, les artistes se sont même mises à vendre certaines pièces. Il y a vraiment eu des coups de cœur. Puis, c'était pas un but de vendre des choses. Là. C'était vraiment la rencontre. Mais il y a eu des grands coups de cœur. Puis, il y a eu des moments où on a eu envie d'amener un petit bout de ce qu'elles font chez nous. Fait que, ouais, c'était vraiment beau. Mm. Oh, super. Ben écoute, est-ce que il y a déjà des gens qui se sont manifestés pour les prochains mois? Ben oui, mais suite aux résidences des filles, il y a eu un beau rayonnement, puis j'ai eu plusieurs demandes d'application. Donc ça démontre qu'il y a vraiment un besoin. Moi, j'avais un besoin personnel, mais là, j'ai vraiment la confirmation qu'on a besoin de ça. Aussi, ce qu'il faut dire au Triangle, c'est que c'est pas un appel de projet comme d'habitude. On n'a pas besoin d'une grande présentation de projet pour se lancer. Donc, ayez pas peur, soyez pas gênés d'arriver avec quelque chose qui est même très vulnérable, qui n'est pas encore, qui n'est pas éclos. C'est vraiment ouvert à toute proposition. Donc, c'est parfait pour les artistes avec un petit syndrome de l'imposteur. Absolument! Un peu de méditation, absolument. Un peu de création. Sur votre site web, il y a une phrase que je trouve... En fait, c'est l'équation à la base de ce volet-là. Que je trouve vraiment génial, c'est temps plus espace plus nature égale magie. Oui. Je pense que ça résume vraiment bien le projet, surtout le côté résidence d'artiste. Mais merci beaucoup Marie-Claude Drolet, merci beaucoup Patricia Gagnon. Allez visiter le site web de Triangle d'été. Il y a volet résidence d'artiste, mais on parlait aussi du yoga, le volet auberge bien sûr, et plein de choses à découvrir. Nous, on se laisse pour une autre pause audio, toujours de Oragent. Origin, toujours inconnu comme prononciation, on s'amuse, avec la piste Off the Ground qui est également le titre de son album. Et au retour de la pause, on s'entretient avec Noémie Otis. Sometimes I wonder what is love for the free-minded. It seems so easy for the first time, but I'm done again. I feel like my heart's a dying bird in a cave of my thirst denied. I feel like my mind is trapped in a cage of my deadly desires. But I could die with you, and so could I without. I want the sun and the earth, also my wild seed feet of the ground. But you are the one that I was dreaming about. I could go crazy over your big heart and the way you laugh. So why am I the ugly hesitation in your big white smile? I could cry over a thousand tears, you would still think I'm half crazy. You're not like me, you've understood something, and that's a part of why I'm here. But I could die with you, and so but you are the one that I was dreaming about. Toujours en ondes à CKRL 89.1, l'aérospatiale magazine sur les arts visuels à Québec, et c'est toujours Myriam Leland qui est au micro. Je reçois ce soir avec moi Noémie Otis. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Noémie est ici pour nous parler de sa résidence à la Chambre Blanche. Comme je le disais en introduction d'émission, on t'a remis le prix Chambre Blanche l'année dernière, au printemps dernier, et ce prix-là inclut, en fait, offre une résidence à la Chambre Blanche, et la tienne a débuté le 4 février, c'est bien ça? C'est exactement ça. Je me sens d'ailleurs encore énormément choyée d'avoir reçu ce prix-là. C'est vraiment... Je pense que même à ce jour, techniquement, il me reste comme une semaine, peut-être environ 10 jours de résidence. Ça termine le 21, je crois. Oui, ça? Exactement. Puis encore à ce jour, j'en reviens comme pas. Ouais, c'est vraiment un beau prix. Puis je pense qu'à chaque jour, je les remercie. Je suis comme ah ben c'est génial. je suis vraiment heureuse. Justement, tu dis à chaque jour, tu les remercies. Comment ça se passe la résidence? C'est sur les lieux à la Chambre Blanche comme telle? Oui, exactement. Dans le fond. On m'a remis les clés de la Chambre Blanche le 4 février. OK. Puis, je peux y aller jour et nuit. C'est vraiment comme bon, me semble. Évidemment, je préfère y aller de jour. Mais parfois, j'avoue que probablement que la semaine prochaine, je risque d'y être beaucoup plus la nuit que le jour. OK. Parce que tu as une présentation au public qui s'en vient aussi. C'est le 2 avril, c'est exactement. Ça? Donc, tu vas présenter un peu le résultat de cette résidence-là. Oui, en fait, la résidence se tournait autour d'un appel de projet à lequel j'ai répondu dans le temps des bourses pour mm-hmm. l'expo des finissants. Et puis, dans le fond, j'ai proposé un projet que j'avais en tête depuis un moment, mais que j'avais jamais vraiment eu les ressources mm-hmm. nécessaires pour entreprendre. Et puis, à ma grande surprise, j'ai été choisie. Maintenant, j'essaie de réaliser ce projet-là. La vérité, c'est que c'est un prototype. OK. Parce que j'aime les projets qui s'allongent. OK. Puis, je pense que celui-là, je vais probablement y travailler pour la prochaine année. Mais à ma présentation, ce que je vais présenter surtout, c'est ma démarche. Puis... Comment je m'y prends, en fait. OK, ouais. Tu parles justement de l'exposition des finissants, tu l'as mentionné. T'es une jeune artiste, t'as eu ton diplôme en 2019, si je me trompe pas. Exactement. Ouais, mais t'as aussi un background en design de mode. Oui, j'ai terminé en design de mode au campus Notre-Dame-de-Fonds en 2016. D'accord. Puis je crois que ça teinte un peu ta démarche parce que t'explores, t'as tout le côté esthétique, bien sûr, mais aussi de ce que j'ai compris à la lecture de ta démarche dans le cadre de la résidence, justement, c'est que t'as cet attrait-là, en fait, d'explorer la relation entre l'humain et l'esthétique, la mise en scène un peu des accessoires, de l'objet, tout ça. C'est quelque chose que t'explores dans ta pratique, mais bien sûr dans la résidence aussi. Je l'explore beaucoup plus dans ma pratique que dans la résidence, okay. dans le projet que je fais en ce moment. Mais oui, c'est vrai que, en fait, c'est surtout un rapport d'artificialité ouais. que j'explore beaucoup. C'est sûr que ce côté-là, je l'ai priorisé par le passé de façon esthétique. Donc, okay. c'était vraiment le côté très, très slick, très... Oui. Fini, liché. Oui, très lustré, très... tu sais, j'ai un nom en tête, là, je dirais Guy Bourdin pour mm-hmm. des... En photo, du moins. Là. Mm-hmm. Mais là, j'explore en fait l'artificialité d'une autre façon dans ce projet-ci. Puis c'est vraiment plus par rapport à la technologie, puis par rapport au rapport entre l'être humain, oui, mais entre tous les êtres vivants et la technologie. Là. OK. Puis comment tu l'explores? Parlons-en. Dans ta résidence, je crois, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un principe de boîtier qui a une certaine mise à distance, mais un attrait aussi. Technologiquement parlant, puis au niveau de ta démarche, comment t'explores ça? Oui, en fait, c'est... tous les projets que je fais, je les mets dans, dans des boîtes. Je les rends vraiment de façon... En fait, en général, auparavant, je faisais plus du moulage. OK. Puis, je mettais mes moulages dans des boîtes. Puis, je faisais de la photographie aussi. Puis, je mettais mes photos dans des boîtes. C'était possible de les regarder par un œil magique. Par okay. un judas. Puis, je pense que ce côté-là de ma pratique, ça vient surtout de... Mais j'aime dire que je suis perfectionniste, là, mais je pense que la vérité, c'est que je suis contrôlante. Chaque qualité a ses défauts. Oui, hein, c'est ouais, ça. C'est... donc, au départ, le but, c'était vraiment de... je pense que c'est moi qui voulais vraiment resserrer la façon dont on regardait mon projet. Et donc, je voulais pas vraiment que le monde extérieur le pollue. D'accord. Avant que tu dises ça, ça me faisait penser beaucoup à une notion, à un concept d'intimité, en fait, avec l'objet. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a allumé ou c'est vraiment ce principe-là de ne pas polluer ton œuvre par l'extérieur? Mais en fait, c'est vraiment plus un principe de distanciation. OK. C'est, en fait, le but ultime, c'est vraiment de donner une physicalité au rendu esthétique, mais aussi à la sensation de l'expérience du virtuel. Donc, c'est vraiment d'explorer un objet, et dans ce projet-ci, ça va être une sculpture de façon virtuelle, malgré le fait que cette sculpture-là, elle est physique. Un peu de la même façon qu'on regarderait une photo sur notre téléphone de façon tactile. Alors là, j'ai envie qu'on explore la sculpture de façon tactile derrière une boîte. Ah ben, c'est vraiment intéressant. Tu piques ma curiosité. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Noémie Otis, d'être venue nous voir en studio. Merci de m'avoir invitée. Ben, ça fait plaisir. J'espère que l'expérience va être renouvelée dans le futur. Donc, un petit rappel pour les auditeurs, les auditrices. Il y a une présentation de ton projet de résidence le 2 avril en Formule 5 à 7 à la Chambre Blanche. Et nous, on se laisse pour une dernière pause audio. C'est la piste de Park Bench de Origin. J'ai décidé que c'est comme ça que ça se prononçait. Oui, il faut trancher. Décision exécutive, il faut trancher. Après quatre pistes, on se décide. Donc, on se laisse pour cette piste-là et au retour, c'est déjà la fin de l'émission avec l'agenda de la semaine. There was a back bench that wore the mark of every lover's passing by. With every romance in Woody Ark, the bench said it was worth the try. And then life flows in circles for the one who Ooh. sur cette belle voix de pièce a cappella de Aura Jean. On débute l'agenda de la semaine à l'aérospatiale. Ce soir, vous avez tout juste le temps, là, en ce moment, de vous rendre au Musée national des beaux-arts du Québec pour assister à la soirée de projection et de discussion corps, sexualité et création qui est organisée en partenariat avec la Fabrique culturelle Antitube et Spira. La soirée débute à 19h à l'auditorium Sandra et Alain Bouchard du pavillon Pierre Lassonde, et les invités qui vont être présentes pour la discussion sont Ariane Louis XVI, qui est cinéaste, Cassandra Cacheiro et Sarah Inni, qui sont créatrices de Womanhood, de The Womanhood Project, et Anne-Marie Bouchard, la conservatrice de l'art moderne au musée. Et demain, le 12 mars, c'est l'organisme Rhizome qui fête ses 20 ans au Centre Horizon. La soirée va débuter à 17h pour se terminer tard avec un coin de sérigraphie, de la bouffe, des discours, des discussions, des performances, de la musique. Donc, on vous invite à consulter l'événement Facebook pour plus de détails. Demain aussi, c'est la rencontre avec l'artiste Rosalie Desgagnés qui présente Règne artificiel au studio du Grand Théâtre de Québec. Donc, elle avait été repoussée pour cause de tempête. Donc, c'est demain que ça se passe, de 17h à 19h. Et également, la discussion va être animée par Ariane Plante, la commissaire. Donc, nous avions reçu les deux à l'émission il y a déjà quelques mois quand même. Hein? Quelques semaines au moins. Oui, quelques semaines. Et vendredi, le 13 mars, de 10h30 à 17h, c'est la journée de tournage de réflexion autour de l'art et de la santé mentale dont nous avons parlé tout à l'heure, oui, avec Fanny et non Lévy. Donc, ce projet de tournage qu'elle co-réalise avec Francine Saillant. Donc, un tournage qui est en cours, un film qui se nomme Apparaître un jour et qui va sortir là, au cours de l'année. Dès samedi, le 14 mars, la Société d'art et d'histoire de Beauport nous présente les œuvres de Guillaume de Mertz dans l'exposition Continuité 2014 à 2020 à la maison Tessier dit La Plante. Puis lundi prochain, le 16 mars, il y a deux expositions très intéressantes qui débutent. Tout d'abord, il y a Symbiose d'Audrey de Mertz-Roberge qui débute à l'espace Parenthèse pour se poursuivre jusqu'au 3 avril. Le vernissage, lui, sera le 19 mars dès 17h30. Et lundi également, Audrey de Mertz-Roberge va donner une conférence au Roulement à billes pour parler de sa résidence au Sénégal. Donc, je mets ça un peu dans ton agenda. Wow, bien sûr! Puis, lundi, la deuxième exposition à ouvrir, c'est à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins que le comité d'exposition des étudiants en histoire de l'art de l'Université Laval nous présente les œuvres de 15 artistes dans l'exposition Éclipse, obscurcir, révéler. Le public est invité au vernissage qui se tiendra à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins le vendredi 20 mars dès 17h et l'exposition se poursuit jusqu'au 4 avril. On a le plaisir de recevoir Audrey et qui va nous parler de son exposition et de Lydia Langlois et Annabelle Veilleux, Annabelle Vieux-Francœur du comité d'exposition des étudiants en histoire de l'art à l'émission la semaine prochaine. Et on n'arrête pas à reproduire l'improbable qui est présenté jusqu'à cette fin de semaine au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval et l'exposition de Laurent Gagnon également. Il va y avoir une activité d'atelier de poésie avec Hélène Matt au sein des œuvres de Laurent qui va avoir lieu dimanche après-midi. Je prends quelques secondes pour remercier nos invités de ce soir, Fanny Hénon Lévy et Noémie Otis. Et Patricia Gagnon. Oui, Patricia Gagnon, notre chroniqueuse Marie-Claude Drolet, on a de la misère à prononcer. Merci Gentiane aussi. Merci Myriam. Bonsoir Pierre, on reste en onde. Pierre Blais. Nous rejoint l'autre côté du petit thème musical funky. CKRL. Communication. Culture. Ben bonsoir Pierre. J'aime oui, ça te prendre par surprise. Oui. Oui, t'es là. Oui, on t'entend. Oui, je m'entends pas, mais c'est correct. Oui, ben c'est correct, nous on t'entend. Okay. C'est suffisant. Ce soir, t'as une émission tout en contraste. Tu nous parles de deux genres différents. Des thrillers, des films sur l'inceste, des dessins animés avec de la en avant. Le dernier Pixar, Patrick Marleau va nous en parler. Et il a joué complètement à l'autre bout de la patinoire aussi avec le thriller L'Homme invisible. Ouh, on a hâte de l'écouter. Bonne émission, Pierre. Hey, merci. Mmh.